Québec. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Encore plein de bonne musique cette semaine, plein de bonne musique en téléchargement gratuit. Rendez-vous sur la page de l'émission pour consulter la playlist et télécharger absolument tout ce que vous entendez à l'émission. Donc rendez-vous www.webmusique.ca. C'est là que ça se passe. Donc important de visiter le site. C'est une grosse partie de l'émission. Si vous aimez les pièces, vous pouvez les télécharger et partager donc les pièces avec vos amis, vos collègues, etc. C'est là pour ça. Je vous offre un gros buffet de musique gratuite. On va débuter donc avec Yusaka Harada. C'est publié sur l'étiquette Mimi Records, une excellente étiquette japonaise. Donc, plein de trucs sur Mimi Records, du rock, de l'électro, à peu près tous les styles sont couverts. Donc, vraiment intéressant comme étiquette. Je vais vous faire passer la pièce Orbis de Yusaka Harada. Ensuite de ça, sur l'étiquette Fusion Netlabel, je vous fais passer Nick R61, un artiste. J'ai fait jouer plein de ses pièces à l'émission. C'est toujours intéressant ce qu'il nous propose. Donc, je vais vous faire entendre sa pièce Tabou. Donc, ben, c'est ça. On débute tout de suite l'émission avec Yusaka Harada. Donc, j'ai un auditeur qui vient juste d'appeler pour me dire que ça lui faisait penser à une brassée de lavage au Népal. Donc, totalement d'accord avec lui. C'était Nick R61 avec la pièce Tabou. C'était sur l'étiquette Fusion Net Label. Avant ça, bon, on avait débuté Web Music avec un artiste du Japon. C'est Yusaka Arada avec la pièce Orbis. Ça, c'était publié sur l'excellente étiquette Mimi Records. On poursuit avec un artiste publié sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. C'est un russe du nom de Omega 6. Je vous fais entendre sa pièce Blues for the Lower Classes. C'est tiré de son album Under Pressure. Donc, vraiment excellent. Je vous invite à télécharger l'album. Vraiment bon. Ensuite de ça, de Cape Town en Afrique du Sud, c'est Jed Rabid avec la pièce Death Cola. C'est sur l'étiquette Bushman Records. On écoute tout de suite Omega 6 à Web Music. Mettez le son dans le piton. Blues for the lower classes. They lost. Fig Cola. Candy Cola. Payola. Coconola. Solar Cola. Kim Cola. Kim Cola. Kim Cola. Perhaps what is most extraordinary about Coca-Cola is its power of illusion, its ability to persuade generations through advertising. But its product is much more than merely a bottle of sticky, sweet, colored water. Fig Cola. Candy Cola. Payola. Coconola. Vous êtes toujours à Web Music à l'antenne de CKRL. On vient tout juste d'entendre la pièce Death Cola. C'est par Jed Rabid, un artiste qui nous vient de la ville de Cape Town en Afrique du Sud. C'était publié sur l'étiquette Bushman Records. Avant ça, de la Russie, c'était Omega 6 avec la pièce Blues for the Lower Classes, publiée sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. On poursuit avec un artiste dont j'ai absolument aucune information. Il s'appelle Room 101, donc une référence directe à la fameuse pièce donc dans le roman 1984 de George Orwell. Sa pièce s'intitule « We All Are Made in China ». C'est publié sur l'étiquette Taekyon Netlabel. Vous êtes graphiste ou artiste émergent de la ville de Québec? Du 1er mars au 1er avril, la mesure Première Ovation vous invite à relever un défi créatif de taille. Proposez une nouvelle affiche pour Première Ovation. Proposez-nous des concepts novateurs et audacieux. Et courez la chance de devenir le visuel officiel de Première Ovation et de voir votre création diffusée à la grandeur de la ville. En plus, il y a 2 500 $ en prix. Pour savoir comment, consultez premièreovation.com et soumettez-nous vos concepts avant le 1er avril. Excusez-moi, de retour à Web Musique, donc toujours en compagnie de Simon Roy. Tout juste avant la pause, on entendait Room 101 avec la pièce We All Are Made in China. C'était publié sur l'étiquette Tachyon Net Label. Pour poursuivre l'émission, je vous propose deux pièces qui sont publiées sur l'étiquette Internet Recordings. On va débuter avec l'allemand Joix. Sa pièce s'intitule Facteur Trom. Ensuite de ça, de la ville de Bristol en Angleterre, c'est Crazy avec sa pièce East Analog. Je vous invite à l'écouter très fort pour un meilleur effet. Donc, vraiment excellent la pièce de Crazy. On écoute tout de suite Joix à Web Music. We'll be right back. Bon, drum and bass assez hypnotisant, c'était donc Crazy avec sa pièce East Analog. C'est un artiste qui nous vient de Bristol en Angleterre. C'est tiré de son album B-Sides EP, un album donc vraiment chunky avec 29 pièces. Ça couvre donc les pièces de l'artiste de 2004 à 2012. Un gros download, donc je vous invite à le faire en vous rendant sur la page de l'émission Web Music. Vous pouvez télécharger l'album de façon gratuite. Avant ça, de l'Allemagne, c'était Joyx avec sa pièce Factor Drum. C'était sur donc Internet Recordings. Excellente étiquette que j'ai découvert aujourd'hui, plein d'albums vraiment intéressants. Donc, on va poursuivre avec deux artistes, plutôt un duo et un artiste qui nous viennent de l'Espagne. On va débuter avec Serious Cut. La pièce s'intitule Thinking About It. C'est sur l'étiquette Transmitter Net Label, donc une étiquette qui nous vient du Brésil. Ensuite de ça, sur l'étiquette allemande Crazy Language, c'est Wreck Overflow avec la pièce Anisette. On écoute tout de suite Serious Cut à Web Music. I'm not. I'm sorry.

Restaurant Latena, 418-525-5509. Livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant Latena, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980, 1ère Avenue à Limoilou. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Thank you.